J'y suis pas du tout aujourd'hui, là. J'arrive pas. Ces histoires de retraite, ça me prend la tête. Ah, c'est ça. Moi, je suis avec Monceau Assurance. C'est top. Tu épargnes ce que tu veux, quand tu veux, et t'en profites à ta retraite. T'as le contrôle du match, un peu comme moi, là. Pas mal. Allez, go! Prenez le contrôle de votre retraite et venez partager l'expérience Monceau Assurance. Plus d'infos sur monceauassurance.com. Bonjour tout le monde, bonjour Xavier Mauduit. Je vous propose de redécouvrir notre série sur Erasme, penseur du XVIe siècle, pas toujours très bien connu malgré le fameux programme Erasmus. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Mais qui était donc Erasme ? Ce nom évoque bien sûr les bourses Erasmus. On imagine un penseur voyageant beaucoup en Europe et on a raison. Mais la pensée d'Erasme, son importance au XVIe siècle, tout cela est passionnant et souvent méconnu. Voici donc cette semaine une série d'émissions consacrées à Erasme, à sa vision de l'être humain, à sa vie aussi, une vie de rigueur intellectuelle, parfois débordée par les conflits de son temps, car on voulait impliquer Erasme plus qu'il ne le souhaitait lui-même. Luther notamment s'est réclamé de lui, mais Erasme ne l'a pas suivi et leur rapport tumultueux soulève de profondes questions philosophiques. Nous parlerons aussi dans cette série sur Erasme de son texte si curieux, L'éloge de la folie, devenu un best-seller du XVIe siècle. Et puis nous évoquerons les réflexions d'Erasme sur la politique, faisant signe vers ses rapports avec Charles Quint, mais aussi avec d'autres grandes figures politiques de son temps qui auraient bien aimé l'attirer auprès d'elle, François Ier par exemple. Aujourd'hui, plantons le décor, celui du début du XVIe siècle. Humanisme semble le mot-clé pour évoquer l'atmosphère du Quattrocento, c'est-à-dire du XVe siècle italien, mais aussi pour caractériser ce XVIe siècle nord-européen en train de s'ouvrir. Or, qu'y a-t-il exactement derrière ce mot ? Humanisme. Pour les réponses, j'accueille deux spécialistes. Bonjour Michel Magnin. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de l'Université Sorbonne Nouvelle, excellent connaisseur de la littérature française de la Renaissance. Et bonjour Christine Bénévent. Bonjour. Vous êtes historienne du livre, professeur à l'École des Chartes. Vous connaissez extrêmement bien l'immense correspondance d'Erasme avec les grands esprits de son temps. Bienvenue à tous les deux pour nous aider à comprendre celui qu'on a souvent appelé le prince des humanistes. Il fallait que je me renseigne à ma fac sur les échanges universitaires européens. Ça s'appelle Erasmus. Et c'est un bordel innommable. Vous patientez, s'il vous plaît. Vous demandez qui est Erasmus. J'ai regardé sur Internet, parce que je savais pas non plus. Et très franchement, j'ai pas bien compris. Pour aller vite, je crois que c'est une sorte de voyageur hollandais de vers 1500. Pour m'inscrire à un DEA en Espagne, ça m'a pris 3 mois. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Un voyageur hollandais vers 1500, voilà ce que dit le personnage de l'Auberge espagnole, ce film de 2003 réalisé par Cédric Clapiche, qui a donc une bourse Erasmus. Il se retrouve en Espagne, à Barcelone. En réalité, on en sait quand même un peu plus, ne serait-ce que sur l'origine du mot Erasmus, mais il reste une énigme. Erasmus est un rétro-acronyme, ai-je appris. Évidemment en anglais, je dis évidemment, mais finalement, est-ce si logique que cela. European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, donc programme d'action pour la mobilité des étudiants dans la communauté européenne, je présume qu'on dirait l'Union européenne aujourd'hui. C'est quand même bizarre que le rattachement à la figure d'Erasme ne soit pas plus clair. Est-ce que vous en savez plus que moi, l'un et l'autre, Christine Bénévent et Michel Magnin, sur le lien entre Erasmus et Erasme, le philosophe dont nous, ici, allons parler en détail. Alors j'avoue que je ne sais pas les raisons qui ont conduit à choisir ce nom pour ce programme, mais je pense que c'est par rapprochement phonétique et que la figure d'Erasme pouvait s'imposer dans la mesure où il a voyager à travers toute l'Europe. Voilà. C'est un peu bref comme, voilà. comme rapport, mais vous diriez la même chose, oui, Michel Magnin. Oui, je pense que c'est aussi son itinéraire intellectuel. Bon, né dans l'actuel Hollande, il est quand même docteur de l'Université de Turin, docteur en théologie. Il a beaucoup été élève à Paris, au Collège de Montaigu. Il a enseigné à Paris, il a enseigné un peu à Cambridge. Donc c'est aussi une image de, finalement, d'une internationalisation des savoirs. Alors voilà, nous allons rentrer dans le détail. Donc il s'appelle Desiderius Erasmus Roterodamus. Ce nom Erasmus, qui veut dire l'aimé, ou qui suggère qu'il voulait être aimé, il paraît qu'il l'a choisi lui-même, Erasme. Il est né en 1466, 67, 68, 69. J'ai l'impression que personne n'est d'accord. Il a perdu ses parents à 17 ans, qui sont morts de la peste. Son père était un prêtre de Gouda, semble-t-il défroqué. Je ne sais pas si c'était officiel. En tout cas, il a fait un enfant, Erasme, avec la fille d'un médecin. Erasmos l'aimé. Il s'appelait déjà Desiderius, qui veut dire le désiré. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de noms à la fin du XVe siècle, Michel Magnin? On choisit c'est soi-même et on pouvait réitérer comme ça, le désirer, l'aimer. Le problème initial, c'est la naissance illégitime. C'est-à-dire que Erasme n'est pas né dans le cadre du mariage. Bon. Et ce nom, en fait, c'est un doublon. Hein. Desiderius Erasmus, c'est deux fois la même chose. C'est Didier. Bon, enfin, voilà. Aimer, désirer, pour un bâtard, comme on disait, entre guillemets, voilà, c'est exactement. Intéressant. Donc, et ça, c'est une marque qu'il a beaucoup, évidemment, déstabilisé hein, tout au long de sa vie. Hein, ses origines qui ne sont pas évidemment légales. Et je pense que ce prénom, il a été donné sans doute par la mère, mais je n'en sais pas plus. Moi, Et qu'en savez-vous, Christine Bénévent? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour Eras, lui qui va avoir quand même une vraie dévotion, un rapport à la piété très fort, et il est né hors des règles habituelles, reconnues et souhaitées par l'Église? Oui, alors il y a eu des découvertes récentes quand même sur la jeunesse d'Erasme hein, qui corrige un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'il ait quand même vécu avec son père et sa mère pendant les premières années de sa vie. Son père était prêtre et il semble que dans la vie quotidienne en tout cas, ça pouvait se faire que des enfants naissent de prêtres hors mariage. Il avait un frère qui avait 3 ans de plus que lui Alors, j'ai perdu votre question. Alors, je voudrais savoir le fait que cette naissance problématique du point de vue chrétien l'a hanté, et puis ce besoin de se choisir un nom qui redouble l'idée qu'il soit désiré. Oui. Erasme, il est en plus aimé. Oui. Il y a quelque chose qui se joue là. Oui, alors, c'est vrai que il y a un résumé de sa vie qui a été publié au début du XVIIe, sur lequel les spécialistes se disputent beaucoup pour savoir s'il est d'Erasme ou de quelqu'un d'autre, et qui construit un roman familial où les parents sont très amoureux et aiment leurs enfants. Moi, j'aurais tendance à penser, avec André Godin, par exemple, que c'est vraiment de la main d'Erasme. Donc, il y a vraiment cette soif d'amour qui est évidente. Et l'amour est une valeur pour le christianisme, une façon de rattraper peut-être le problème de cette naissance peu appréciée des chrétiens de l'époque? Alors, c'est possible. L'impression qu'on a quand même, c'est que ce défaut de naissance, là, surtout, mis en difficulté matérielle, financière, parce que ça lui interdisait de pouvoir avoir des bénéfices ecclésiastiques, alors même qu'il était destiné à la carrière, enfin voilà, qu'il a été élevé chez les moines, ordonné prêtre. Et donc, il y a sans doute les deux aspects qui entrent en jeu. Alors justement, venons à sa formation. Il a quand même été bien éduqué, hein. On l'a envoyé très vite étudier, il avait un vrai goût pour cela. Et notamment, en Hollande, il y a une célèbre école des frères de la vie commune à Deventer, c'est comme ça qu'on prononce. C'est avec un maître, semble-t-il, très érudit, très intéressant, très au fait des courants humanistes, mais nous allons définir les choses en Europe. Alexandre Régius, c'est cela oui. Michel Magnin, vous pouvez m'en dire plus? Oui, enfin là c'est quelque chose de très important, puisque cette école de Deventer relève de ce qu'on a appelé la devotio moderna, hein, c'est la dévotion moderne, qui est donc un mouvement qui est né justement dans ces... en Hollande au XIVe siècle, lancé par un homme qui s'appelait Gerard Groot, et qui donc prône une foi beaucoup plus intime, beaucoup plus individuelle. C'est dans cette Devotio Moderna qu'on voit le creuset de la moderne réforme. Bon. Alors, Devotio Moderna, oui. Il faut vraiment qu'on définisse. Oui. Pourrait-on dire, c'est une hypothèse que je vous soumets, pour essayer de tout de suite donner l'épaisseur des enjeux. Pourrait-on dire qu'il y a un rapport à la foi chrétienne très fort, mais dans une vision de cette foi qui n'est pas que contemplative, alors que à cause de l'héritage d'Augustin, de saint Augustin, souvent il y a une tendance à dire que la vie essentielle n'est pas active mais contemplative. Là, c'est plus complexe. Et pourrait-on aussi ajouter qu'il y a un rapport très très nouveau et très fort aussi à l'antiquité païenne. Est-ce qu'avec ce mélange, je dis quelque chose qui fait sens pour vous ? Antiquité païenne peut-être pas, mais ce qui est très important, c'est de voir que la Devotio Moderna, elle se développe en marge des couvents. Hein. Donc ce sont des laïcs qui se réunissent au sein de confréries et qui mêlent à la fois la réflexion sur les Écritures, la prière, soit collective, soit individuelle, laïque, et la vie active. Il faut quand même dire ce qu'il y a aujourd'hui. Oui. Laïque, beaucoup de gens croient que ça veut dire non-religieux. Oui. Laïque, dans le christianisme de cette époque-là, ça veut dire fidèle, mais pas ecclésiastique. Voilà. Ce ne sont pas des clercs, ils n'ont pas prononcé de vœux, mais pourtant, ils ont une pratique religieuse extrêmement assidue, tous les matins ils se réunissent, et l'après-midi donc ils vaquent à leurs occupations, qu'ils soient agriculteurs ou commerçants ou merciers ou artisans. Et alors donc ce rapport aux Grecs et aux Latins, on exagère en disant qu'il est déjà là dans ces milieux, disons quand même de moines. Bon, de toute façon, oui. Alors, c'est plutôt à vous, Christine Bénévent, que je pose. Bon, enfin, la langue latine est là, de toute façon. Bon, il y a un enjeu autour de la langue, mais vous allez nous expliquer tout cela. Alors, je ne sais pas si je vais expliquer, mais en tout cas, le témoignage d'Erasme sur ses années dans cette école, puis au monastère, parce qu'il entre quand même dans un monastère augustinien. Les chanoines augustins de Stein, voilà. On dit comme ça, Stein, toujours en Hollande. Oui, donc Saint-Augustin, dont vous parliez, est bien présent. Et donc, les témoignages d'Erasme, c'est vraiment que dans la journée, il lit et copie des textes religieux. Mais la nuit... il lit des auteurs profanes, des auteurs païens, et ça a l'air d'être quand même plutôt de l'ordre d'une activité cachée, alors dont il partage la passion avec plusieurs de ses co-religionnaires. Y compris auprès de ses chanoines, qui le laissent un petit peu en paix quand même, il le laisse errer dans la bibliothèque. Il y a des copains là, En tout cas, on a des lettres échangées avec plusieurs d'entre eux, où la passion pour Lorenzo Valla, pour les auteurs antiques, éclate de façon, notamment pour Terence par exemple, éclate de façon très, très nette. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce point, sur cette formation à plusieurs jambes, pourrait-on dire, Michel Magnien ? Oui, mais ce qui me paraît important, ce concept de Devotio Moderna est d'une foi donc qui est une foi qui est finalement intégrée à l'individu et qui se pratique finalement de manière non collective. Ça, c'est très important puisque ça annonce évidemment la réforme. Alors, il a quand même le temps dans ces années-là d'écrire des premiers manuscrits qui seront publiés plus tard. On est donc dans les années 1490. Et il y en a un qui montre bien son intérêt pour la culture grecque, les Anti-Barbarorum, l'Anti-Barbarorum Liber, donc le livre des Anti-Barbares, c'est-à-dire Michel Magnien. Justement, pour caricaturer la scolastique, et la pensée scolastique, et finalement cette pensée qui est envisagée et présentée de manière caricaturale. Donc les barbares sont pour les Grecs ceux qui ne sont pas Grecs. Voilà. Il reprend quelque chose de cette fierté grecque en appelant son texte ainsi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est aussi la revendication d'une culture qui soit gréco-latine, qui soit plus exclusivement latine, comme pouvait l'être la culture des moines des couvents. Alors, on va revenir sur son approche du grec. Il faut savoir qu'à l'époque, peu de gens, même lettrés, parlaient le grec. Et on va voir pourquoi Erasme s'y est mis et ça a été décisif dans sa vie. Mais d'abord, écoutons un extrait de ces Anti-Barbares, texte écrit dans les années 1490, tandis qu'Erasme était en train certains à peu près de se faire ordonner prêtre. Celui qui mène une vie morale fait une grande chose. Mais il n'est utile qu'à lui-même et au petit cercle de ceux avec qui il vit. Si, à la moralité, il ajoute le savoir, sa vertu rayonnera davantage et beaucoup plus loin, comme si on lui ajoutait une lumière. Mais s'il est capable de confier à l'écrit les éclatantes méditations de son âme, c'est-à-dire s'il est non seulement savant, mais éloquent, c'est alors seulement que son bienfait se répand nécessairement le plus loin, car il atteint par-delà le cercle de ses familiers, par-delà ses contemporains, par-delà ses voisins, les étrangers, la postérité, les habitants les plus reculés du globe. La vertu, sans le savoir, à moins d'être transmise par écrite à la postérité, périt avec celui qui la possédait. Mais la savante érudition, ni les terres, ni les mers, ni une longue suite de siècles, ne l'empêche d'atteindre dans son vol le genre humain tout entier. Ce texte d'Erasme est élu par Carla Michel de notre équipe. Vertu, moralité rayonnante qui peut agir finalement en quelque sorte par l'exemple. On voit là que ce sont des thèmes qui renvoient plus à quelque chose comme l'idée de la gloire et de la, oui, la virtus des Romains, elle-même marquée par la culture grecque, plus que, disons, à ce qu'on entend, disons, habituellement par foi augustinienne, davantage retirée du monde. Mais peut-être suis-je en train de faire une caricature, vous allez me le dire, Christine Bénévent. Non, pas du tout. Non, c'est ce qui est très sensible dans la pensée d'Erasme, hein, c'est cet effort justement pour réconcilier le savoir et la vertu antique. Enfin, voilà, une forme d'éthique et la foi chrétienne. Et donc cet effort de conciliation. Alors même si on n'a pas vraiment de référence très nette à la religion dans ce passage, il est vraiment constant dans l'œuvre d'Erasme. Oui. Et ce qui est également intéressant dans ce texte, hein, c'est l'importance accordée à l'écrit, voilà, qui permet d'atteindre le genre humain tout entier. Et ça, par rapport au choix d'Erasme, qui a très peu enseigné, mais publié énormément d'ouvrages pédagogiques, d'exégèses, etc. C'est vraiment qu'il confiait à l'écrit le soin de répandre la parole. Alors, il y a quelque chose qu'il découvre dans la bibliothèque de ces chanoines et qui est décisif, c'est l'œuvre d'un certain Lorenzo Valla. Laurent Valla, disons-nous en français, qui est un homme du début du XVe siècle. Il meurt en 1457, il est italien. Cet Italien a étudié le grec et a fait notamment une étude très précise des Actes des Apôtres, où font partie tous ces textes qui à l'origine étaient en grec, avec une critique latente des traductions latines existantes, de la Vulgate. Ça ne va pas d'ailleurs lui valoir que des amis, cette affaire, à ce Lorenzo Valla. Il n'empêche qu'il apparaît comme un exemple pour Erasme d'un approfondissement de sa foi, puisque les textes eux-mêmes étaient grecs d'origine, le Nouveau ou Deuxième Testament. Donc, il va s'inscrire dans ses pas, Michel Magnin. Tout à fait. Non, ça, c'est une figure capitale. Hein. Deuxième point qui me paraît très important après la Devotio Moderna, c'est en effet la figure de Valla. Donc, Valla qui est l'auteur des Élégances de la langue latine, hein, publié sous forme manuscrite vers 1440. Et pour donner un exemple aux auditeurs, donc Valla, c'est celui qui ose démontrer que la donation de Constantin est un faux. C'est-à-dire que finalement, le document sur lequel s'assoit le pouvoir temporel du pape est un faux. Bon, donc vous montrez que... Ils vont aimer là-bas. Hein. Ils vont beaucoup donc, aimer. Donc l'idée il sera quand même mis en accusation devant l'Inquisition. Oui. L'idée qu'à travers donc, une étude textuelle, et en particulier du vocabulaire, Valla réussit à démontrer que ce texte n'a pas pu être écrit avant le 8e siècle après Jésus-Christ, donc bien après, 5 siècles après la mort de Constantin. Donc c'est un faux. Oui. Donc vous voyez donc l'idée que le retour au texte, une étude scrupuleuse du texte, peut finalement faire éclore une vérité. Et ça, c'est très important hein, pour tous les humanistes. Hein, c'est cette remontée aux origines, cette remontée aux sources. Bon, alors, Christine en parlera mieux que moi, peut-être, hein, avec cette idée de trouver le ur-texte, hein, le manuscrit le plus ancien qui soit. Bon, c'est un peu des fantasmes, hein, puisqu'ils ont l'impression de lire des manuscrits qui datent du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ, alors qu'ils lisent des manuscrits qui datent du 7e ou du 8e siècle après Jésus-Christ. Mais ce n'est pas très grave. Hein, l'idée, c'est de remonter aux sources par la collation surtout, hein, et par le travail attentif sur les textes. Donc ça, c'est le deuxième point très important, hein, pour Erasme. Et n'oublions pas qu'en 1505, il publiera les annotations de Valla, hein, qu'il a découvertes. Hein. Il se fera l'éditeur, et ce sera évidemment le point de départ pour lui de tout un travail d'exégèse sur les textes évangéliques. Donc, apprendre le grec et faire un voyage en Italie s'impose désormais pour ce jeune Erasme, jeune, autour de 1500. Oui, alors avec ce modèle aussi qu'il a croisé à Deventer, hein, qui est celui de Rudolf Agricola, hein, qui est un homme qui est né donc bien avant, hein, Erasme, vers 1444, et qui lui aussi avait appris le grec, hein, et qui est un des premiers Hollandais finalement à vraiment pouvoir pratiquer le grec, à pouvoir écrire des lettres en grec. Et ça, c'est aussi un modèle pour Erasme. Donc il y a un modèle du Nord, ce serait Agricola, et il y a le modèle du Sud, Valla. Il va mettre du temps à aller en Italie quand même. Il va attendre. Oui. Il voudrait aller à Rome, comme Valla, et étudier là où Valla avait étudié. Et ça met un petit peu de temps, Christine Bénévent, peut-être parce qu'il est happé par tous ses amis qu'il rencontre. Il en rencontre à Paris, parce qu'il passe par Cambrai, puis Paris. Il rencontre des gens. Il va étudier au Collège Montaigu sur la montagne Sainte-Geneviève. Il va faire un doctorat de théologie à la Sorbonne. En fait, il adore les études et les gens, hein, Erasme. Et puis là, il rencontre quelqu'un qui l'emmène à Londres. À l'université d'Oxford, et puis retournera à Paris, retournera en Angleterre. Il va le différer, ce voyage. Mais pendant toute cette période, il apprend le grec et il travaille beaucoup. Christine Bénévent. Oui, alors en fait, le projet de partir en Italie date des années 1490, au moment où il entre au service d'Henri de Berg, l'évêque de Cambrai, justement. C'est dans l'espoir de pouvoir l'accompagner en Italie, puisque cet évêque espère devenir cardinal. Et malheureusement, ses espoirs étant déçus, Erasme ne peut pas partir en Italie et, sans doute pour se consoler un petit peu de cet échec, demande à aller à Paris, qui est alors la grande ville universitaire, une université extrêmement importante en théologie. Qui le déçoit quand même, si qui le déçoit profondément, justement. Et en fait, ce n'est pas à Paris qu'il obtient son doctorat en théologie. Il va le chercher en Italie, à Turin, dans une université assez modeste, finalement. Et c'est seulement en 1506, effectivement, que pour accompagner les enfants du médecin du roi Henri VIII, c'est le prétexte du voyage, il va pouvoir enfin se rendre en Italie, qui va constituer une étape fondamentale dans son parcours. Et avant, il y aura eu l'Angleterre. Oui. Alors, oui. Ça, c'est très important. Très important. Il va rencontrer des tas de gens qui sont des humanistes aussi. On va encore, ne vous inquiétez pas, on va revenir à cette notion. Mais qui sont les futurs conseillers d'Henri VIII, hein, qui va avoir tellement de problèmes avec le pape. Il y a des gens comme John Colet, n'est-ce pas? Des gens comme Thomas More. Vous pourriez me parler un petit peu de l'université d'Oxford, en gros, dans les années 1500, l'un et l'autre? Alors, Christine Bénévent. L'université d'Oxford en soi, je ne sais pas si j'aurais beaucoup de choses intelligentes à dire dessus à ce moment-là. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il fait des rencontres qui comptent énormément pour lui. John Colet est le doyen de l'école Saint-Paul et veut en renouveler complètement l'enseignement. Demande à Erasme d'y enseigner. Alors Erasme se dérobe, mais lui fournit un plan d'études, hein, qui sera ensuite publié et qui est un premier modèle de la pédagogie qu'il entend mettre en œuvre. Il y a évidemment Thomas More, qui a 10 ans de moins que lui, mais voilà, c'est un coup de foudre amical, une amitié très très profonde. Ils vont traduire ensemble beaucoup de textes grecs, hein, notamment du Lucien, qui est vraiment le sceptique grec. Voilà, ce qui peut sembler contradictoire avec cet élan vers la foi dont on parlait à l'instant. Oui, parce qu'en même temps, il va quand même se lancer, je parle d'Erasme là, dans une réédition en grec de tout le Nouveau Testament, rien que ça. Oui, alors c'est une histoire assez complexe. C'est une commande de son imprimeur Froben au départ, qui serait un éditeur hollandais fameux. Oui. Oui, et qui lui demande, je crois, une nouvelle édition en latin. Et c'est en fait assez tardivement qu'Erasme décide de mettre en regard de cette nouvelle interprétation latine, donc qui n'est plus celle de la Vulgate, de mettre en regard le texte grec, qui pour le coup est vraiment révolutionnaire, puisque il y a d'autres entreprises au même moment, hein, la polyglotte d'Alcala est en route. Mais finalement c'est la l'édition grecque d'Erasme qui paraît en premier. Alors Froben, je me suis trompée, il est de Bâle. Oui, excusez-moi, mais Bâle est une grande affaire. Pardon. Alors Michel Magnien, le fait de parler de Thomas More et de cette ambiance et de ce travail sur les textes bibliques... Pas seulement. Il y a aussi Lucien, une traduction... coordonnées de textes de Lucien qui sont publiés en 1406, si ma mémoire est bonne. Cet ensemble nous montre, d'abord la Devotio Moderna, c'est l'expression que vous avez employée depuis le début de cette émission, d'abord un enjeu de foi très, très important, au sens où More et Erasme et d'autres veulent quand même un peu que le Vatican, l'Église, l'ensemble de ce pouvoir ecclésiastique retrouve une foi plus authentique. Alors oui, il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé ce matin, c'est Saint Paul quand même. John Colette. Alors nous on dit Paul, dans l'université aujourd'hui on dit plus Paul et Augustin, on dit plus Saint, mais c'est bien un enjeu majeur. Voilà, donc John Colette est un grand lecteur des épîtres, et Erasme partage cette admiration pour Paul, pour saint Paul, donc avec l'idée, cette notion capitale pour Erasme, qui est la caritas, la charité. Donc voilà, donc ça c'est le grand mot. L'épître aux Romains de Paul est l'un des textes, paraît-il, les plus travaillés, que ce soit en Italie, au nord de l'Europe, là où est définie vraiment la foi chrétienne par rapport à la foi juive, au rapport à la loi. C'est un texte fondamental pour, nous y venons, l'humanisme européen. Oui, tout à fait, hein, puisque il y a cette dimension justement peut-être aussi d'une foi plus intériorisée qui se met en place à travers une lecture de ces épîtres. Donc ça c'est vraiment très important, cette idée de passer finalement de la communauté chrétienne à l'individu qui se met finalement par la prière face à son Dieu. Et ça c'est un des mouvements à mes yeux, caractérise l'humanisme. On passe d'une collectivité de croyants à finalement des individus qui se tournent les uns et les autres vers Dieu, même s'ils sont réunis dans le même. Alors tout cela prépare intellectuellement, religieusement, la réforme qui arrivera à partir de 1517 avec les 95 thèses de Luther placardées sur l'église de Wittenberg, où là, une autre époque va s'ouvrir. Mais indéniablement, vous diriez, Christine Bénévent, que c'est dans ce terreau de tous ces penseurs d'Europe qui voyagent beaucoup, qui a été très critique du Saint-Siège de leur temps, que tout a commencé. Oui, dès le XVIe siècle, on dit que Erasme a couvé l'œuf que Luther a fait éclore. C'est une expression qui revient constamment. Ce dont Erasme se défend, mais il est clair que au tout départ, lorsque Luther affiche ses 95 thèses, les humanistes ont le sentiment que c'est quelqu'un qui, comme eux, critique les excès, le faste de la cour, les indulgences. Et donc, au départ, ils peuvent avoir l'impression que c'est un combat commun qui les anime. En tout cas, en ce qui concerne Erasme, il y a à la fois cette partie religieuse où, effectivement, comme vous le dites, on a l'impression que Luther ne fait que déployer la critique erasmienne et celle d'autres. Mais il y a aussi une envie de sagesse plus large. Les adages, par exemple. Qu'est-ce que c'est, ce texte des années 1500 d'Erasme? Alors, c'est un texte qui a une très très longue histoire, mais au départ, il s'agit simplement de réunir des expressions ou des sentences qui circulent beaucoup, qui viennent effectivement de l'Antiquité, que l'on emploie constamment dans la conversation, et d'en livrer un petit commentaire. Alors, quand ça paraît en 1500 à Paris, c'est vraiment un tout petit in quarto assez sec. Et en fait, c'est en 1508, dans l'atelier d'Aldemanus à Venise, que Erasme va en déployer toutes les virtualités en livrant des commentaires beaucoup plus longs, très érudits, et qui sont en même temps l'occasion de commenter l'actualité, de réfléchir et de propager la sagesse antique. Alors cette double ces deux jambes en quelque sorte, religieuse et puis plus large, empreinte de pardon, érudite. Érudite, oui. Voilà, on va dire érudite. Oblige aujourd'hui à faire un effort. Alors ça, c'est notamment Lucien Febvre, historien du XXe siècle, fameux Lucien Febvre qui a fait partie de l'école des Annales, qui disait c'est difficile d'aborder cette époque parce que dès qu'il y a de la rationalité ou du rapport aux Grecs et aux Latins, on a l'impression qu'il y a une critique de la croyance religieuse. Quand on voit de la foi, de la pietà ou de la devotio moderna, on a l'impression qu'au contraire, c'est assez fortement anti-rationaliste et anti-humanisme antique. En réalité, il faut absolument tenir les deux bouts, disait Lucien Febvre, lui qui a écrit en 1942 le problème de l'incroyance au XVIe siècle, la religion de Rabelais. Alors je vous propose qu'on l'écoute, Lucien Febvre, justement ses mises en garde pour comprendre le XVIe siècle comme un siècle de croyances avec un S, une grande pluralité de croyances et pas du tout des clivages tels que les modernes ont tendance à les installer. Au XVIe siècle, on ne s'installait guère à demeure. Siècle d'itinérants, d'inquiets aussi, siècle d'hommes et de femmes que travaillaient les affres du destin, les soucis de l'au-delà. Nous sommes là, naïfs et simplistes, en face de ces âmes à repli, de ces consciences tourmentées, de ces intelligences si différentes de la nôtre. Nous leur offrons le choix grossièrement entre la raison et la foi. Et si nous décrétons qu'ils ont choisi la raison, nous les travestissons aussitôt en libres penseurs à la moderne. Mais si nous les prétendons posséder par la foi, nous réduisons le choix pour eux entre un catholicisme orthodoxe à la moderne ou bien un protestantisme, comme nous disons, soit de forme luthérienne, soit de forme calviniste. Ainsi refusons-nous de savoir quelle fut la prodigieuse diversité de croyances que connurent et pratiquèrent les contemporains de ces esprits dominateurs, Luther et Calvin. Ainsi refusons-nous, à plus forte raison, d'explorer les secteurs obscurs par définition, de ce qu'on pourrait nommer les para-religions, de ces sphères qu'éclairent de lueurs fumeuses le trésor à la fois frelaté et précieux de croyances immémoriales et les arts magiques si fortement enracinés dans les esprits. C'était Lucien Febvre, l'historien, en 1955, sur l'ORTF. Michel Magnien, j'aimerais que vous commentiez ce propos qui invite à la subtilité. Voilà, exactement. Donc, il ne faut pas céder à la caricature hein, et vous opposer de manière trop tranchée, comme je l'ai esquissé tout à l'heure, la scolastique à l'humanisme, le Moyen-Âge à la Renaissance, une religion collective à une religion individuelle, Aristote à Platon, Dieu à l'homme, la foi à la raison, la dialectique à la rhétorique. Bon, bien sûr, hein, c'est... Tous ces clivages existent, hein, mais il faut évidemment se garder des caricatures et ne pas tomber finalement dans la caricature que les humanistes eux-mêmes ont fait de l'époque antérieure, hein, du Moyen-Âge, bon, présenté toujours comme une période de ténèbres. Hein, bon, il y a la fameuse lettre de Gargantua à Pantagruel. Hein, donc, vous pouvez préciser parce que oui. L'affaire de Rabelais n'est oui. pas très loin. Alors Rabelais, on croit souvent que voilà parce qu'il est truculent et beaucoup d'humour, oui. il y a tout un humour populaire. Oui. Mais il y avait la croyance religieuse. Oui, bien sûr. Bon, il y a un fameux article d'Étienne Gilson, Rabelais franciscain. Bon, Rabelais est un moine. Voilà. Bon. Oui. Et il y a l'abbaye de Thélème en même temps oui, dans l'un de ses textes, exactement. Qui est un lieu de foi évidemment, oui. mais très ouvert. Voilà. Alors, très. Voilà. C'est pas un lieu clos, hein, et c'est là qu'on retrouve aussi la devotio moderna, hein, bon, voilà, hein, les béguinages et finalement une foi qui puisse être intense et sincère et ne pas s'exercer dans le cadre, dans la clôture du couvent. N'oublions pas que Erasme aura beaucoup de mal, puisqu'il a prononcé des vœux, hein, à se faire libérer. Ce n'est, si mes souvenirs sont bons, qu'en 1518, hein, qu'il aura une dispense pour pouvoir finalement se voyager à travers toute l'Europe sans. Le désir quand même, se libérer de ses vœux. Bien sûr, de ses vœux, oui. Il a eu beaucoup de mal à le faire, hein, et à trouver enfin une liberté, puisque à chaque fois, il y avait toujours la menace qu'il soit ramené dans la clôture du couvent à Stennes. Alors, à propos de cet humanisme, donc nous y sommes, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises sous cette étiquette. Alors, bon, nous avons parlé de Rabelais, qui n'est pas du tout aussi incroyant qu'on l'imagine parfois. Il y a aussi des travaux qui ont inventé une notion importante en philosophie politique, qui est l'humanisme civique, c'est-à-dire une pensée républicaine en définitive, qui se serait déployée déjà au Moyen-Âge et puis ensuite dans la Renaissance italienne, qui est donc un siècle antérieure à la Renaissance du Nord de l'Europe, en plein Quattrocento, au XVe siècle donc. L'humanisme civique, c'est une expression de Hans Baron, qui était un historien allemand, reprise ensuite par Pocock, reprise par Quentin Skinner. Et l'idée là est que quand même il y avait, alors c'est là je voudrais savoir ce que vous en pensez, qu'il y avait en Italie, dans ces cités, quelque chose de bien plus avancé, notamment un républicanisme, de bien plus éloigné au fond de la... C'était des chrétiens, bien sûr, mais quand même des injonctions, disons, du Vatican, que dans l'Europe du Nord, où le rapport, même s'il y avait des critiques au Saint-Siège, était très fort, la dévotion, la piété était, semble-t-il, infiniment plus grande, et de fait, on n'y a aucun républicain, là, dans le début du XVIe siècle nord-européen. Est-ce que, néanmoins, bon, Skinner distingue bien ces deux choses, ces deux tonalités de renaissance, est-ce que c'est un peu forcé ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de juste là? Alors qui veut commencer? Christine Bénévent, Michel Magnin? Moi je veux bien commencer. Non, ce mouvement distingué par Hans Baron de l'humanisme civique, bon, est alimenté bien sûr par la redécouverte des textes. Hein. Bon, on lit Platon. Les lois, la République, on reprend un Aristote qui s'appelle plus l'Aristoteles Latinus, hein, l'Aristote traduit en latin via l'arabe qu'on a connu au Moyen-Âge. Donc on revient finalement à la politique d'Aristote. Et là, ça nourrit évidemment toute une pensée nouvelle qui est alimentée par une réflexion antique qui est une réflexion qui se fait dans le cadre de la démocratie athénienne. Donc c'est évident que ça influence de manière très forte la réflexion qui se fait au sein des cités. Hein, vous avez bien eu raison d'évoquer les cités italiennes, bon, qui sont bien sûr toutes régies par des ducs ou par des rois, mais qui quand même ont une dimension autonome, hein, qui rappelle aussi peut-être la configuration de la Grèce antique, hein, avec une multitude de cités là aussi. Et ça, c'est assez absent, diriez-vous, de l'esprit humaniste nord-européen, un petit peu plus tardif, donc au début du XVIe siècle. Je ne sais pas ce qu'en dira Marie Barral-Baron demain, mais c'est vrai que l'institution du prince chrétien me paraît plus marquée par la lecture de Paul que par l'humanisme italien civique. Que par l'humanisme italien, mais il y a aussi des traces de Platon. Hein. Bon, Erasme connaissait la République comme vous et moi, donc... Donc vous êtes. Oui. Qu'en pensez-vous, Christine Bénévent? Oui. Je pensais quand même ajouter le nom de Cicéron à la réflexion, parce que c'est quand même autour de Cicéron que Erasme va cristalliser justement une opposition entre l'humanisme, alors qu'il n'appelle pas humanisme, hein, évidemment à ce moment-là, des Italiens qui seraient entachés de paganisme. Et un humanisme du Nord qui, tout en plaçant Cicéron au centre de sa réflexion, reste imprégné de la foi, de la préoccupation pour le christianisme. Et donc, dans le Cicéronianus, hein, ce texte de 1528 qui va aliéner à Erasme beaucoup de monde. Ce qui va faire parler des mercenaires, des vagabonds, des prostituées. C'est vrai qu'il a une liberté quand même d'écriture incroyable pour un être si pieux. Oui, alors c'est effectivement dans les colloques où il fait parler un petit peu tout le monde. En fait, dans le Cicéronianus, c'est vraiment une querelle stylistique sur qui imite correctement Cicéron. Est-ce que ce sont ceux qui essayent absolument de reproduire son œuvre, ou est-ce que ce sont ceux qui ont tenu compte de l'évolution du temps et qui et donc les Italiens sont accusés de vouloir copier Cicéron sans tenir compte de la révélation chrétienne. Enfin, je caricature un petit peu. Bon, donc il y a quand même, je vous entends, c'est vrai qu'il y a une tonalité différente dans la Renaissance nord-européenne par rapport à la Renaissance italienne, et notamment ses versants politiques. Voilà, en tout cas, c'est vraiment thématisé par plusieurs auteurs, et notamment par Erasme, cette opposition. Michel Magnin. Oui, non, mais bon, pour donner un exemple aux auditeurs, une des têtes de turc d'Erasme, Bembo, donc, qui était cardinal, avait la réputation de ne plus vouloir lire son bréviaire parce que ça gâtait son latin. Bon, vous voyez, bon, donc voilà, enfin, ce sont des médisances qui circulaient à l'époque, mais pour, bon, voilà le genre de choses que les humanistes du Nord pouvaient finalement relier, hein, ce genre d'informations. Et c'est vrai que le séjour d'Erasme à Rome en 1508 a été un séjour extrêmement traumatisant pour lui parce qu'il a vu une Rome païenne, il a vu la renaissance de la Rome païenne. Ah, ça l'a troublé. Hein. Ah oui, ça l'a troublé, oui. Entendre désigner le Christ comme Jupiter comparer l'Assomption à l'enlèvement de Ganymède, oui, c'est des choses qui l'ont troublé. Profondément troublé. Alors, il y a une autre chose qui, pour le coup, donne vraiment l'impression d'un lien magnifique entre le sud et le nord de l'Europe, et Erasme est au milieu de tout cela, c'est l'intérêt pour l'imprimerie. Donc, bon, nous savons tous, j'espère que Gutenberg a inventé les caractères métalliques mobiles. Grosso modo, on dit dans sa période où, venu de Mayence, il arrive à Strasbourg entre 1434 et 1444, puis après ça se déploie et devient très très grand imprimeur de Mayence. Il a un disciple qui est précisément à Venise et que Erasme veut absolument rencontrer. C'est, Aldemanucci. Alors Aldemanus à la française. Aldomanus. Ou Aldomanuccio à l'italienne. Alors parlez-moi de ce monsieur. Pourquoi c'est si important? J'ai ça parce qu'on a parlé de Froben, qui est un imprimeur de Bâle. Et on a l'impression qu'Erasme voyage pour aller voir ces gens-là, comme si dans le travail de l'imprimerie et de l'édition se jouaient des enjeux intellectuels décisifs, et il les suit presque à la trace. Oui, tout à fait. Bon, il y a eu beaucoup de travaux sur le rôle qu'avait joué l'imprimerie dans la diffusion de la réforme, mais Erasme, était parfaitement conscient des potentialité que permettait de déployer l'imprimerie. Et c'est vrai qu'un des buts de son voyage en Italie, c'est de se retrouver dans l'atelier d'Aldemanus, qui en fait est à l'origine un enseignant. Il enseigne le latin et le grec. Et puis, assez tardivement, finalement, à 40 ans, il décide de devenir imprimeur, notamment parce qu'il a constaté le manque d'édition des textes grecs et latins sur lesquels il voudrait faire travailler ses élèves. Et les imprimeurs sont sensibles à ce souci, Erasme. Alors, Aldemanus est vraiment ce qu'on pourrait qualifier d'imprimeur humaniste. Hein. Ce n'est pas le cas de tous les imprimeurs. Mais ce qui est très sensible, c'est que Erasme va passer plusieurs semaines, plusieurs mois dans l'atelier d'Aldemanus, et c'est là qu'il va réviser les adages. Mais ensuite, il n'aura de cesse de trouver un imprimeur au nord de l'Europe, en l'occurrence Froben, dont il puisse faire une figure aussi solaire et aussi rayonnante que celle d'Aldemanus en Italie. Aldemanus est en train d'édifier une bibliothèque qui n'a d'autre limite que le globe terrestre lui-même, écrit Erasme dans les adages. Michel Magnin, les imprimeurs sont au cœur du projet humaniste, si ce mot est correct, oui, puisque ce sont eux qui, finalement, permettent la diffusion de textes qui sont rétablis, qui sont corrigés, qui sont collationnés. Hein, et avec le danger que soulignera aussi Erasme dans ses adages, du fait que si les imprimeurs ne sont pas scrupuleux, s'ils ne pensent qu'au gain et qu'ils font des éditions trop hâtives, eh bien, ils vont multiplier de manière exponentielle les erreurs Donc là aussi, hein, c'est toujours complexe. Hein, donc l'imprimerie est un progrès, c'est sûr, par rapport à la copie manuscrite, mais avec le danger dont sont conscients justement aussi les humanistes, hein, de la diffusion bien plus forte et bien plus grande d'éventuelles erreurs au sein des textes qui sont mal établis, qui sont imprimés avec beaucoup d'erreurs, comme le font beaucoup d'imprimeurs peu scrupuleux. Bon, et c'est pour ça que Erasme rend cet hommage, hein, très vibrant au sein des adages, au sein même de l'atelier où il est en train de travailler, à Aldemanus, hein, qui lui est un éditeur on ne peut plus scrupuleux. Bon. Alors on va maintenant, on n'a pas dit tout ce qu'il y avait à dire évidemment sur cette première partie de la vie d'Erasme, en particulier nous parlerons ici en troisième épisode de l'Éloge de la folie, écrit en 1509, bon, on peut pas tout dire aujourd'hui, mais maintenant je voudrais qu'on parle des tumultes intellectuels, politiques, religieux qui font suite à l'avènement du luthérianisme, de la réforme. Après 1517, tout se complique, Erasme ira s'installer à Bâle en 1521, il ne cessera d'être appelé par les protestants qui se réclament en partie de lui, il ne veut pas en entendre parler. Il a aussi eu, à partir de 1516, des rapports qui m'apparaissent complexes avec Charles Quint. De l'autre côté, François Ier essaye aussi. Enfin, c'est très compliqué son rapport tant aux empereurs et rois qu'au pape et aux luthériens. Le problème, ou peut-être l'enjeu, c'est de sauvegarder pour Erasme sa modération. Stefan Zweig, qui a écrit une très intéressante biographie d'Erasme, Erasme, grandeur et décadence d'une idée, en 1934, parle extrêmement bien de ce souci de la mesure chez Erasme. L'esprit d'Erasme est fait de couches superposées. C'est un agglomérat de dons divers, une somme et non une unité. Hardi et craintif, audacieux et pourtant hésitant au dernier moment, d'esprit combatif, de sentiments pacifiques, orgueilleux en tant qu'écrivain et humble en tant qu'homme, sceptique et idéaliste, il réunit en lui tous les contrastes. Savant laborieux, théologien libre penseur, censeur sévère et pédagogue indulgent, poète un peu sec et épistolier brillant, satirique féroce et doux apôtre de l'humanitarisme, il est tout cela à la fois, sans que ses nombreux talents se nuisent l'un à l'autre, sans qu'ils se neutralisent dans son vaste cerveau. Car le meilleur de ses dons, l'art d'apaiser les conflits, d'accorder les extrêmes, il n'en a pas seulement exercé le pouvoir sur le monde extérieur, mais aussi sur sa propre personne. Naturellement, il ne peut résulter d'un tel éclectisme une unité d'action. Aussi, grâce à une forme d'expression plus concentrée, ce que nous appelons la substance érasmienne, s'est-il manifesté d'une façon plus profonde chez quelques-uns de ses successeurs que chez Erasme lui-même. La réforme, la libre interprétation de la Bible et d'autre part les satires d'un Rabelais et d'un Swift, l'européanisme et l'humanitarisme moderne, il a conçu tout cela, mais ne l'a pas réalisé. Il a donné partout la première poussée, soulevé partout des problèmes, mais partout, il a été dépassé par ce qu'il avait lui-même mis en mouvement. Erasme était la lumière de son siècle. D'autres en furent la force. Il éclairait la voie, d'autres surent la suivre. Mais celui qui montre les voies nouvelles n'est pas moins digne d'être honoré que celui qui les foule le premier. Ceux qui œuvrent dans l'obscurité ont eux aussi accompli leur tâche. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. C'est Anna Fulpin de l'équipe d'Avec Philosophie qui lisait ce portrait d'Erasme par Stefan Zweig. Nous parlons en effet d'Erasme cette semaine dans Avec Philosophie. Nous allons vous proposer 4 épisodes sur ce penseur majeur du XVIe siècle, parfois méconnu ou alors hâtivement connu. Et ce matin, nous revenons sur l'ambiance de l'humanisme européen au début du XVIe siècle. Michel Magnien, dans ce portrait de Zweig, je m'interroge. Est-ce que Zweig dit qu'Erasme était dans la mesure et la modération, ou dit-il plutôt, ce qui n'est pas la même chose, qu'il était pétri de contradictions, de conflits intérieurs, réunissant les contraires, tiraillé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, moi je pense que c'est un individu très, très tiraillé, oui. En effet. Bon, alors, il y a une chose avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est l'art d'apaiser les conflits. Je ne suis pas sûr que... Erasme a toujours été très diplomate, oui. Parce que bon, il avait trop d'ironie et trop aussi une haute idée de lui-même. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'orgueil. Hein. Bon, n'oublions pas qu'il s'est fait graver en termes antiques hein, avec la formule "concedo nulli". Hein. Je ne le cède à personne. Hein. Je ne céderai à personne. Bon, en revanche, l'analyse finale me paraît excellente. Hein. Il a été dépassé par ce qu'il avait lui-même mis en mouvement. Bon, ça me paraît. Bon, c'est un peu l'apprenti sorcier. Oui, c'est ça, c'est tout à fait vrai. Hein. Il a ouvert des boîtes de Pandore hein, qu'il a eu beaucoup de mal à essayer de refermer. Bon. Donc à Bâle, c'est vrai qu'on est allé chercher un certain Van Houten proche de Luther. Oui, et mais il a dû fuir Bâle hein, à cause du mouvement anabaptiste ensuite. Bon, vous voyez, donc il est allé à Bâle et puis finalement il a dû fuir Bâle parce que le mouvement anabaptiste s'emballait et bon, il a été effrayé. Bon, donc il a fui Bâle. Il est parti où alors ? À Fribourg. Il est parti à Fribourg alors qu'il pensait que Bâle était un refuge. Voilà. Cette modération, est-ce que, enfin non, plutôt ces conflits intérieurs, on va dire plutôt comme ça, comme Zweig, explique-t-il, d'après vous, Christine Bénévent, aussi ses rapports avec les politiques ? Bon, Charles Quint, il va le conseiller. Donc Charles Quint, c'est quand même le catholicisme, je dirais, enfin le christianisme officiel, la voie du Saint-Siège, puisque c'est Saint-Empire romain germanique qui va faire la guerre aux princes protestants. François Ier, qui a lui-même un rapport quand même au moins au départ assez bienveillant à l'égard du christianisme, mais plutôt tendu avec le protestantisme qui arrive en Europe, l'attire aussi. Tout le monde est attiré par tout le monde, mais Erasme a un peu peur de s'impliquer trop. Oui, alors le rôle d'Erasme auprès de Charles Quint est assez complexe et je pense qu'on en reparlera demain. Demain, absolument. Il avait effectivement un rôle officiel de conseiller dont on ne sait pas trop ce qu'il a vraiment fait. Il a publié l'institution du prince chrétien dont on reparlera demain à l'intention de Charles Quint, mais qui n'était pas encore Charles Quint à ce moment-là. Mais disons que ce qui apparaît chez Erasme, c'est qu'il aime beaucoup susciter des invitations, c'est-à-dire encourager les grands à lui envoyer des lettres l'invitant. Et en fait, il peut faire parade de ces lettres ensuite pour montrer à quel point tout le monde le désire. Dans le cas de François Ier, ouais, c'était... le désirer, quoi, le voilà, l'aimer. Hein. On en revient à ça, effectivement. Ça, hein. Ouais. Effectivement. François Ier cherche à l'attirer en France pour prendre la direction du Collège Royal. Pourquoi il refuse ? Alors, il fait mine de vouloir, puis finalement, non. Bon, enfin, c'est le désirer. Un dernier, très rapide dernier mot, et puis... Si vous avez envie, Michel Magnien, cette mort, finalement, il est très malade, mais il est très seul, hein, à la fin. Bah, c'est-à-dire qu'il retourne à Bâle, hein, il quitte Fribourg et retourne à Bâle. Et puis, ce qui a beaucoup gâché la fin de sa vie, c'est la querelle cicéronienne hein, que Christine a évoquée précédemment, puisqu'il a l'impression que l'Europe entière, finalement, lui en veut. Et il a en particulier une figure sur laquelle se concentrent toutes ses craintes, c'est la figure de Jérôme Aleandre, un Italien qu'il a croisé à Paris dans les années 1509, et qu'il a retrouvé en Italie, et qu'il est persuadé que Jérôme Aleandre, qui est devenu nonce, anime toute la cabale contre lui. Thank you. Et vous entendez la Renaissance par Jean-Luc Ponty. C'est une musique qui date de 1976. Merci Michel Magnien et Christine Bénévent. Les références de vos travaux figurent sur notre site. Il est temps de retrouver Frédéric Worms qui cette semaine nous parle du tragique et de la loi. On l'écoute, voici le pourquoi du comment. Pourquoi le tragique revient-il toujours ? Lorsque, devant certains événements désastreux ou certains actes criminels ou meurtriers, on emploie la catégorie de tragique, on peut être à juste titre étonné, voire irrité. Cela semble un peu facile, cela semble un peu répétitif, cela semble toujours revenir et ne rien nous apprendre de nouveau. Déjà dans les années 60, un livre célèbre de Domenac s'intitulait « Le retour du tragique », comme si à chaque catastrophe qui tombait sur les hommes, à chaque guerre qui se déclenchait entre les humains, à chaque crime particulièrement horrible, on réemployait pour se débarrasser de l'analyse le concept de tragique, l'idée que le monde est tragique, que la vie est tragique, et c'est encore le cas aujourd'hui quand, devant la guerre en Ukraine ou le conflit qui reprend de manière si terrible en Israël et en Palestine, on emploie de nouveau la catégorie du tragique. Pourtant, quelque chose doit nous alerter. Le retour du tragique a quelque chose de très particulier qui fait que, par exemple, on ne parlerait pas de la même façon du retour du comique. Le comique, pourtant, revient aussi toujours, il revient même de manière répétitive, et ce n'est pas tout à fait de la même façon qu'on parle du retour du comique ou du retour du tragique. Le retour du comique nous fait en lui-même rire, il y a là un mécanisme, quelque chose de risible, alors que le retour du tragique a une différence qui peut nous orienter vers son essence, vers son problème de fond, vers le problème qui fait que le tragique est en fait toujours pertinent. Bergson, déjà dans Le Rire, nous avait donné un indice. En effet, le titre des comédies, selon Bergson, était toujours général. C'était le distrait, l'avare. Par exemple, ce ne sont pas Harpagon ou tel personnage. En revanche, le titre des tragédies porte toujours un nom individuel. On ne dit pas « Le jaloux », ce serait une comédie. On dit « Othello ». On ne dit pas « La justice », ce serait un traité de philosophie. On dit « Antigone » ou « Hamlet ». Ainsi, le tragique revient, mais il revient toujours selon une figure individuelle. Il ne revient pas comme un mécanisme qui aurait comme tel quelque chose de risible. Et au fond, cela a quelque chose d'essentiel. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel, de fondamental sur le tragique lui-même. Qu'est-ce que le tragique ? Au moins, quel est le minimum qui définit le tragique ? Le tragique semble se définir par une sorte de mal sous-jacent à la vie humaine et qui revient toujours de manière, là aussi, potentiellement anonyme ou générale. Mais alors, il redeviendrait comique. Le distrait qui glisse sur une peau de banane, il nous fait rire. Le comique, le mal, s'il revenait tout le temps, serait comique, répétitif. Et les comiques ont bien raison aussi de dénoncer le mal. Le comique aussi a sa morale. Alors, qu'est-ce qui distingue le tragique ? Et le tragique en particulier du comique, c'est qu'il désigne deux dimensions profondes du mal. Non seulement une sorte de mal anonyme et universel comme les catastrophes ou les intempéries, mais aussi les actes individuels, la faute individuelle. Le tragique, c'est toujours le retour d'un acte précis dans l'histoire, d'un mal qui naît des relations humaines, qui affecte la liberté, d'une faute auquel on pourrait répondre aussi par une règle, par une réponse morale ou politique. Il nous oriente vers un double mal et peut-être aussi vers une double réponse, non seulement de se prévenir des catastrophes, mais d'interdire certains actes, de revenir vers la morale et la politique pour répondre au tragique en sachant qu'il reviendra, en effet, toujours. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission d'Avec Philosophie a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Étienne Rouche. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Chaïma Giboire, Marine Boudelier et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.